Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Dans le journal, il est question de lieux, de pays, de flux. En fait, c'est de la géographie. Il y a aussi un peu d'histoire parce que toute actualité prend sa profondeur historique. Et bien justement, aujourd'hui, nous nous intéressons aux cartes qui parlent d'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. En 1879, Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique, met en place une commission de la décoration des écoles. Mais quelle bonne idée! Il s'agit de couvrir les murs des salles de classe de belles images pédagogiques et pourquoi pas de cartes, afin que les élèves rêveurs puissent admirer pendant des heures ces objets magnifiques sur les murs pour qu'ils s'impriment dans leur mémoire. Ici la botanique avec les renonculacés, leurs calices, leurs corolles, leurs carpelles, leurs rhizomes. Ici la faune où la poule est détaillée depuis le bec jusqu'au croupion avec la visite de l'intérieur de l'œuf. L'anatomie humaine évidemment avec le schéma de la circulation du sang, les oreillettes, les ventricules, les veines pulmonaires, la géométrie bien sûr, le carré, le rectangle, le trapèze et les capacité, le décalype, le doubrolithe, etc., etc. Au moment de la leçon d'histoire, il y a des cartes au mur. Au moment de la leçon de géographie, il y a des cartes au mur. Parfois, elles se croisent. Nous touchons ici aux cartes sublimes, celles des atlas historiques. Christian Grataloup, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Vous êtes géohistorien. Déjà, tout est dans le nom. Juste une remarque. En France, nous enseignons l'histoire et la géographie. Nous le savons, à l'école, la discipline, c'est histoire-géographie. L'association des deux nous semble une évidence. Ce n'est pas une évidence partout dans le monde. Faut peut-être le rappeler déjà. Oh oui, c'est au contraire une rareté. Il y a très très peu de pays qui associent l'histoire et la géographie dans l'enseignement. En général, c'est totalement disjoint et c'est souvent composé dans d'autres associations. La géographie ayant partie avec des disciplines plutôt de l'ordre des sciences de la nature. Et il y a le Japon qui, là aussi, a une tradition d'histoire-géographie, puis des pays que la France a influencés, c'est-à-dire des pays où le territoire est absolument essentiel dans la construction de l'identité. Et ce territoire essentiel dans la construction de l'identité est nécessaire en histoire, comme une obligation, Christian Grataloup, il faut le dire, ce n'est pas une nouveauté d'utiliser des cartes pour expliquer les phénomènes historiques, bien souvent même. Mais depuis que le livre d'histoire est là, une carte est bien agréable. Mais cette carte est une carte de localisation le plus souvent. La géographie historique du 19e siècle, effectivement, est une géographie de pure localisation, de savoir où se situe telle bataille en particulier, ou telle construction, qui était citée dans des textes et que l'on ne sait pas, forcément très bien placer sur une carte. Le cas d'Alésia est, de ce point de vue-là, tout à fait typique de cette recherche géohistorique. Christian Grataloup, donc géohistorien, professeur émérite à l'Université de Paris et l'auteur de nombreux atlas, mais deux atlas qui, ça y est, font référence, on peut le dire, c'est l'Atlas historique mondial publié aux Arènes avec, en coédition, l'Histoire, le magazine L'Histoire, et puis l'Atlas historique de la France, publié également aux Arènes et avec l'Histoire. Ces deux atlas, oh, c'est vrai qu'ils ont été repérés, on peut le dire, et ça fait toujours plaisir à leur auteur, Christian Grataloup, bien sûr. Il y avait une histoire des atlas historiques. Juste, il faut sans doute rappeler que l'histoire est périssable. L'histoire n'est pas quelque chose de figé, il faut actualiser. Il était nécessaire de le faire aujourd'hui. Bien sûr qu'il faut constamment réactualiser. Personnellement, les cartes récentes, l'Atlas du Bi, qui est le grand prédécesseur de l'Atlas mondial, date de 1978. Donc, bien sûr, il s'est passé beaucoup de choses, mais les éditions Larousse avaient un peu réactualisé. Mais c'est surtout la perspective que l'on a sur l'histoire qui est plus la même. Depuis 1978, il y a eu une vision de l'histoire globale, comme on dit, une vision beaucoup plus mondiale, qui n'est plus seulement centrée sur l'aventure européenne. Et ça donne une toute autre perspective à la construction d'un atlas. C'est pour ça, par exemple, que notre atlas mondial commence par les peuples qui sont sans relation forte jusqu'au XVIe siècle avec l'axe de l'ancien monde, avec les sociétés qui, elles, étaient très connectées jusque-là. Donc les peuples d'Amérique, les peuples de Polynésie, ces termes évidemment n'ayant sens que plus tard, les peuples d'Afrique subsaharienne. Donc vous avez là effectivement une mise en perspective différente. Donc c'est ça, de faire un nouvel atlas historique qui est lié non seulement une historiographie, mais une vision du monde beaucoup plus qui évolue nécessairement et qui est celle de 2019 pour la classe et qui n'est plus celle du XXe siècle. Et rappelons combien cet atlas de Georges Duby a été essentiel. Hein. Je pense que les auditeurs, les auditrices de France Culture qui écoutent le cours de l'histoire doivent l'avoir sans doute dans les rayons de leur bibliothèque. Pour ma part, qu'est-ce que je l'ai consulté cet atlas aller-retour à la fin des années 1970 au moment où paraissait l'atlas de Georges Duby. L'aventure humaine en 430 cartes, telle est l'ambition de cet atlas historique de Georges Duby paru chez Larousse. Il s'agit de définir, délimiter, déterminer le territoire de l'histoire, car les hommes ont laissé leurs traces sur le sol de notre planète. La géographie vient à l'aide de l'histoire pour une meilleure compréhension des événements. En un coup d'œil, le lecteur embrasse une considérable synthèse d'une époque ou d'une évolution. S'agit-il de l'expansion territoriale d'un pays, des mouvements de population, du flux et du reflux d'un empire, des relations commerciales entre les continents, des mouvements artistiques internationaux, cet ouvrage, unique en son genre, est un outil d'analyse et de recherche qui apprend aussi facilement qu'il distrait. L'histoire n'apparaît donc pas plaquée sur quelques cartes, mais se développe et s'enrichit au fil des pages. Un classement chronologique, des notices explicatives, l'emploi de nombreuses couleurs accentuent la clarté du message à transmettre. Des origines de l'homme à nos jours, cet atlas historique paru chez Larousse veut expliquer, montrer, simplifier, et en plus, il est beau. Expliquer, montrer, simplifier, et en plus il est beau, c'est sur le journal de la deuxième chaîne de la télévision française en 1979 qu'était présenté l'atlas de Georges Duby. Christian Grataloup, l'ambition de cet atlas-là, mais qui s'inscrit dans une histoire des atlas historiques, reste toujours la même. Il y a cette volonté de simplifier, mais ce mot simplifier au sens de rendre intelligible des phénomènes complexes. Ah, c'est la contrainte de la carte, c'est son honneur, c'est d'être une image et une image qui se veut lisible. Donc il faut évidemment bien sûr simplifier l'information, mais avec cette contrainte quand il s'agit d'histoire, d'avoir une image qui est sur toute une étendue, donc sur laquelle on peut avoir des lacunes d'information. Je pense que Claire Somaglino sur l'Égypte va sans doute nous donner des exemples, c'est parce qu'elle parle de travail sur des périodes anciennes. Donc vous avez là quelque chose qui est un défi pour l'historien que l'on n'a pas dans le récit, où on peut beaucoup plus facilement, même parfois inconsciemment, sauter toute une masse d'ignorances que l'on peut avoir, alors que la carte est un révélateur de nos ignorances. Ça, c'est un élément important. D'autre part, le rapport à l'histoire qu'a la carte est celui d'une image fixe. Une image fixe par rapport à la mobilité du temps, par rapport au processus d'évolution, au changement, mais aussi aux permanences. Et donc, la carte peut montrer, bien sûr, des dynamiques, en mettant des flèches, par exemple, ou en mettant un processus de diffusion, comme nous avons mis une carte de la peste noire à l'échelle de l'ancien monde au XIVe siècle. Mais c'est aussi quelque chose qui impose une certaine fixité de faire le point, de faire un tableau, comme on disait dans l'écriture de l'histoire naguère. Et cette fixité, elle est à son tour associée à quelque chose qui, si je me permets, un atlas relève un peu de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'il y a une succession d'images qui nous permettent de combiner, d'associer un certain nombre de types de dynamiques qui ne posent pas problème quand on a unité de lieu, c'est le cas par exemple de l'atlas historique de la France, mais pas quand on a des lieux dispersés et en relation les uns avec les autres, comme dans l'atlas mondial où le problème de l'ordre dans lequel on va mettre les cartes est un problème fort intéressant. Oui, parce que vous l'avez évoqué, Christian Grataloup, avec nous aujourd'hui ce matin, Claire Somaglino, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Égyptologue, maîtresse de conférences à Sorbonne Université. Et donc, vous venez avec un sublime atlas, l'atlas de l'Égypte ancienne, publié chez Autrement, avec une cartographe, Claire Levasseur, vous avez travaillé conjointement sur cet atlas de l'Égypte ancienne. Effectivement, il y a une vraie pertinence pour évoquer l'importance de la carte quand il s'agit de l'Égypte ancienne, car là, il y a une très longue durée, nous travaillons sur des millénaires, et puis la géographie est localisée, bon, bien sûr, avec le trait que représente le Nil au milieu du désert. Or, grâce à l'Atlas, vous arrivez à montrer à la fois les évolutions et la complexité de ce territoire qu'est l'Égypte. Oui, c'était l'un des défis, hein, comment montrer l'histoire longue par des cartes, donc comme disait Christian Grattalou, une succession de cartes, mais aussi un jeu sur les échelles spatiales, mais aussi les échelles temporelles, avec certaines cartes concentrées sur un événement, une période courte, et puis d'autres, au contraire, sur une période assez longue. Mais il y a une vraie difficulté à traduire cette temporalité sur une carte, et c'était l'un des défis que nous avons essayé de relever avec Claire Levasseur, justement. Et ce défi est à relever, vous l'avez relevé, il n'y a aucun problème, Claire Somaglino, mais il y a un cheminement intellectuel qui vous conduit à venir à la carte. Est-ce que dans votre pratique, vous êtes égyptologue, la carte est une évidence? Est-ce que c'est un point de départ ou un aboutissement, ou j'ai l'impression, hein, quelque chose qui est sans cesse présent? Alors, ça dépend. Pour l'Égypte, on a quand même un espace, entre guillemets, relativement simple à aborder quand on commence à étudier l'Égypte ancienne. Mais il est peut-être moins évident qu'il n'y paraît, parce qu'il y a un certain nombre de contraintes, de difficultés aussi, qu'il faut pouvoir montrer, dont il faut pouvoir prendre conscience. Et souvent, on étudie un petit peu l'Égypte hors sol, sans penser forcément, par exemple, au temps que met un ordre royal pour parvenir de la capitale, Memphis, au nord, jusqu'à la frontière sud. Ce n'est pas juste une question de distance, c'est une question aussi de temps de parcours. On oublie parfois aussi les contraintes de la crue du Nil annuelle, qu'est-ce que cela implique, qu'est-ce que cela entraîne, etc. Et je pense que la carte permet aussi de montrer tout ça. Et ça, c'était vraiment très important de pouvoir le faire, d'autant que, bon, moi, je vois avec ma pratique d'enseignement, on a tout le temps besoin de cartes pour montrer ces phénomènes aux étudiants, et c'est souvent difficile de trouver les cartes que l'on souhaite, que l'on veut. Donc, c'était aussi un plaisir de pouvoir enfin faire ces cartes dont je rêvais depuis des années, au fur et à mesure de la pratique, notamment de l'enseignement. Alors là, vous avez bien raison, si vous manque des cartes, fabriquez-les. Et nous savons aujourd'hui que les enseignants réalisent sans cesse des cartes. Enfin, la cartographie est un élément majeur de l'enseignement. Christian Grattalou, cet aspect pédagogique de la carte est à souligner, parce que vous l'avez évoqué, avec la cartographie, nous touchons parfois à la bande dessinée, mais l'image est essentielle. Avec la carte, nous allons plus loin que l'image, mais l'image est quand même là. Oui, bien sûr, et il y a la force de l'image par rapport parfois à la parole que l'on oublie plus facilement. Mais les images restent, hein, si les paroles s'envolent. Mais en même temps, ça donne une responsabilité énorme. Hein. J'ai souvent insisté sur le fait qu'à mettre tout le temps les mêmes planisphères sous les yeux des élèves, en se demandant pas l'importance du fond de carte, mais en voyant ce que l'on va mettre sur la carte, c'est en fait le message du fond de carte qui est souvent eurocentré, avec une Europe au milieu en haut de planisphère, avec des bouts du monde de ce fait, que on transmet un message, qu'on enfonce un clou, alors que l'on n'a jamais dit ça, que l'enseignant ne l'a jamais dit, mais qu'il le transmet constamment par les cartes qu'il présente sans arrêt. Donc on a une grande responsabilité quand on choisit une carte, et souvent c'est un problème dans le dialogue que je peux insister avec des historiens, c'est que souvent l'historien voit d'abord ce qu'il va mettre sur la carte, et que le fond de carte est au fond une question technique qui doit être réglée rapidement au départ. Non, le fond de carte est un message. Ça, c'est un élément essentiel sur lequel il faut constamment revenir, et c'est le rôle des cartographes, hein, de bien nous le rappeler. Oui, parce que les cartes fascinent, elles s'impriment dans notre mémoire. Bah, retrouvons Georges Deby. J'ai toujours une très forte fascination par les cartes, les grandes cartes murales. Je me souviens d'avoir rêvé pendant des heures et des heures sur des cartes, même des cartes simplement physiques, n'est-ce pas? On fait le tour du monde sur une carte. Bien sûr, bien sûr. Et puis on comprend infiniment de choses, n'est-ce pas, en regardant la cartographie. Georges Deby, interviewé par Jacques Chancel, c'est dans Radioscopie, c'était en 1978. Oui, la carte est essentielle pour la pédagogie, mais Christian Grattalou, vous insistez beaucoup sur l'importance de cette représentation du monde sur le fond de carte. Pour le moment, réfléchissons à cette représentation du monde. Vous avez écrit « L'invention des continents et des océans, histoire de la représentation du monde » publié chez Larousse. Et justement, il y a quelque chose qui est étonnant toujours quand nous regardons l'évolution même de l'idée du monde, du nom à donner aux océans, de ce qu'est un océan. Ce qui nous semble évident ne l'a pas toujours été. Ah, ça c'est un grand piège, non pas seulement de la carte, mais de la géographie. Mais c'est vrai que la carte renforce ce processus avec l'idée peut-être implicite et évidemment fausse que la carte serait une sorte de photo du réel, alors que c'est une construction tout autant qu'un texte. Donc, il y a dans l'idée de géographie que l'on montre quelque chose de naturel, de quelque chose qu'on ne va pas trop discuter sur le plan géopolitique et social, parce que c'est comme ça. Et les découpages du monde, entre autres ce qu'on appelle aujourd'hui les continents, qui s'appelaient naguère des parties du monde en français, donc Europe, Afrique, Asie, Amérique, Océanie, et puis le découpage de l'eau aussi, hein, Atlantique, Pacifique et Indien, ce sont des choses qui vont de soi, qui sont de la nature. Or, en fait, on a là quelque chose qui est purement culturel, qui est une construction vue d'Europe et qui, en retour, finit par avoir créer des identités. C'est très très net pour le mot Afrique, par exemple. L'Afrique existe dans les têtes, alors que ce découpage aurait pu être tout autre, mais qu'il va associer, combiner des éléments, des sociétés qui, au fond, ont des histoires qui sont pas toujours semblables, pas toujours identiques, dans un même ensemble. C'est une discussion que j'ai déjà eue plusieurs fois avec Xavier Fauvel, par exemple. Oui, voilà, spécialiste de l'Afrique. Et effectivement, pour l'Afrique, nous avons ici un schéma que nous pouvons saisir, car il y a une histoire à raconter sur ce qu'est l'Afrique, mais toujours avec ce piège des images. André Malraux en parlait déjà. Malgré les admirables travaux des égyptologues, la foi d'un prêtre d'Amon, l'attitude fondamentale d'un égyptien à l'égard du monde nous reste insaisissable. L'humour des ostracas, le petit peuple des figurines, le texte où un soldat appelle Ramsès II par son sobriquet, comme les grognards appelaient Napoléon, l'ironique sagesse des textes juridiques, comment les relier au livre des morts, à la majesté funèbre des grandes effigies, à une civilisation qui semble ne s'être poursuivie pendant 3000 ans qu'au bénéfice de son autre monde. La seule Égypte antique vivante pour nous est celle que suggère l'art égyptien, et cette Égypte n'a jamais existé. Pas plus que n'exista la chrétienté que nous suggérerait la romance s'il en était le seul témoignage. André Malraux, dans son discours pour sauver les monuments de Haute-Égypte, c'était en mars 1960. Claire Somaglino, vous commencez votre atlas de l'Égypte ancienne dans votre introduction en disant pyramides, hiéroglyphes, pharaons, dieux, mi-hommes et mi-animaux. L'Égypte ancienne est sans doute l'une des civilisations antiques dont l'imagerie nous semble la plus familière, ce qui est vrai, mais cette imagerie est un piège en réalité, car elle nous empêche de voir des phénomènes beaucoup plus larges. Disons qu'elle induit une familiarité trompeuse. Souvent, on présente les mêmes images de l'Égypte, et ce n'est pas parce qu'on connaît ces images que l'on connaît cette histoire égyptienne et cette civilisation égyptienne. Donc, effectivement, c'est une image trompeuse. Et je pense que le discours d'André Malraux l'exprime bien. Comment savoir ce que pensait, un paysan égyptien dans son champ? On ne le sait pas, on ne saura sans doute jamais. Puisque l'essentiel des sources écrites et figurées qui nous sont parvenues, l'essentiel, provient de l'élite. Et le discours d'une élite, soit de la royauté, soit des hauts dignitaires qui avaient les moyens de faire graver des textes, de se faire réaliser des tombes monumentales et qui se préservent dans le temps. Et la documentation concernant l'économie, l'administration... Les villages égyptiens, le petit peuple finalement, est bien plus modeste ou plus difficile à acquérir ou plus difficile à interpréter, hein, notamment les fouilles de l'habitat, etc. Donc on a moins idée de, notamment, la manière dont ils voyaient l'espace autour d'eux, par exemple. Et justement, vous, dans votre atlas de l'Égypte ancienne, vous accordez une grande place, en tout cas pour commencer l'ouvrage, à autre chose qu'à la chronologie. Déjà, vous mettez en place, j'ai envie de dire tout bêtement, ce qu'est l'Égypte, ce qui est déjà difficile à saisir. Oui, je pense que c'était essentiel de commencer par là, de rappeler aussi les fondamentaux de cette civilisation, à savoir que l'Égypte antique est une société agricole qui donc a une agriculture céréalière, de décrues, etc. C'est comme les fondements du quotidien de la majorité de la population égyptienne ancienne, et je pense que c'était essentiel de le rappeler dès le départ avant de aborder la grande histoire politique. Et justement, les cartes nous aident à aborder cette histoire hors de l'histoire politique qui est une histoire presque du vécu. Et ce vécu est essentiel. Christian Grataloup, que nous apportent les cartes pour ressentir ce vécu, pour essayer de saisir comment dans un espace, en l'occurrence, prenons la France, puisque vous parlez de l'Atlas historique de la France, vous êtes l'auteur avec une préface de Joël Cornette, comment cet Atlas historique de la France nous permet de dépasser cette lecture qui serait chronologique de l'histoire de France? Alors, juste avant de vous répondre, je voudrais préciser que je suis pas vraiment seulement l'auteur de l'Atlas historique comme des autres. D'ailleurs, c'est toujours un travail d'équipe, un Atlas. De même que Claire Somaglino a travaillé avec Claire Levasseur, c'est un dialogue d'abord avec des cartographes, mais aussi avec toute la mise en scène hein, de l'Atlas, la mise en page. C'est un élément beaucoup plus important parce que c'est visuel. Bon. Alors, pour revenir au caractère des dépassements chronologiques, c'est à la fois vrai et faux sur un atlas comme celui de la France. Alors, j'insiste d'abord sur le fait que l'atlas de la France, comme celui de l'Égypte, sont des atlas qui ont une unité de lieu. Même si, bien sûr, nous sommes amenés à faire des changements d'échelle. C'est justement une des choses que la tout atlas permet et doit montrer, qui est que l'on pense, que l'on vit à des échelles différentes, des niveaux différents de géographie. Donc ça, c'est un élément central. La deuxième chose, c'est que le cadrage, c'est une chose auquel j'ai toujours insisté dans les fabrications d'atlas, doit être toujours un peu plus large, voire beaucoup plus large, que celui de l'objet précisément qui est représenté, de la partie du territoire qui est représentée. De même que l'Égypte ne se comprend que dans l'ensemble du Levant ancien, il faut pour la France souvent la situer en Europe, la situer dans le monde. C'est pour ça qu'il y a énormément de planisphères et énormément de cartes d'Europe dans l'Atlas de la France, mais aussi des cartes plus locales. Hein. Les deux éléments sont importants, c'est-à-dire que ce changement d'échelle, c'est un mouvement, si j'ose dire, hein. C'est pas de la chronologie, mais c'est un mouvement qui positionne des événements, des processus historiques, les uns à côté des autres, par rapport aux autres, qui vont se connecter temporellement cette fois-ci. Donc ça, c'est un élément qu'un atlas donne à voir et montre l'événement spatialement. Ça, c'est de ce fait, le processus historique se poursuit de page en page, c'est en tournant la page en général que l'on va poursuivre l'histoire, mais en même temps, il se situe dans quelque chose qui le dépasse, qui le positionne par rapport à d'autres contextes historiques. Eh bien justement, l'importance de la carte est quelque chose d'ancien. Il faut toujours être modeste quand nous parlons des grandes avancées. Votre atlas historique de la France est l'atlas de référence effectivement aujourd'hui, Christian Grataloup. Mais il est héritier d'une longue réflexion sur la place de la géographie en histoire. Et au moment de publier son immense histoire de France, celle d'Ernest Lavis, eh bien... Paul Vidal de la Blache livre un tableau de la géographie de la France. Nous sommes en 1903. La France est placée de telle sorte, par rapport aux influences continentales et océaniques qui s'y rencontrent dans un équilibre instable, que de différents côtés, plantes et cultures ont voie libre pour se propager, pour profiter de toutes les occasions qui multiplient les variétés de relief et de sol. Le mélange du nord et du sud est plus marqué dans certaines contrées de transition comme la Bourgogne et la Touraine, qui représentent, pour étendre l'expression de Michelet, l'élément liant de la France. Mais on peut dire que ce mélange est la France même. L'impression générale est celle d'une moyenne dans laquelle les teintes, qui paraissent disparates, se fondent en une série de nuances graduées. Il en résulte la grande variété de produits auxquels le sol français se prête. Variété, qui est une garantie pour l'habitant, le succès d'une culture pouvant dans la même année compenser l'échec d'une autre. Une contrée ne vit pas seulement de sa vie propre. Elle participe à une vie plus générale qui la pénètre. Lorsque se produisent de grandes révolutions économiques comme celles qu'ont déterminées les nouveaux moyens de transport, quels habitants du globe pourraient se flatter d'échapper à leurs conséquences ? Un extrait du tableau de la géographie de la France de Paul Vidal de la Blache en 1903, une lecture par Philippe Moreau. Dites-nous, Christian Grataloup, il y a ici, évidemment, et nous le savons avec ce tableau de la géographie de la France, une avancée qui relie vraiment la géographie à l'histoire. Et toute une réflexion est dans le vocabulaire de Vidal de la Blache. Il y a beaucoup de nuances, de moyennes, de teintes, de mélanges. Je pense que quand vous avez commencé votre atlas historique de la France, il était bien difficile de définir ce qu'est qu'était la France. Quelle est la réflexion qui vous a traversé à ce moment-là? Comment définit-on la France sur une si longue période? Alors, faire un atlas historique de la France, c'est situé effectivement dans une historiographie et une histoire de la publication qui remonte au XVIe siècle, au moins. Donc, c'est quelque chose qui ne peut se faire qu'avec du recul et en se situant modestement dans cet héritage. Alors, le problème, c'est qu'il faut se défaire évidemment d'abord du roman national. Pour ça que dans notre atlas, j'ai essayé de régler le problème dès le départ, en cartographiant le roman national lui-même, c'est-à-dire en ne l'éliminant pas, mais en le prenant comme un des éléments de mise en scène de cette histoire. C'est pour ça aussi que la troisième partie de l'atlas n'est pas historique à proprement parler, mais sur le rapport des Français à l'histoire aujourd'hui. Donc, bien sûr, la deuxième chose, c'est qu'il faut se garder de tout déterminisme, comme on dit, de déterminisme géographique, hein, c'est-à-dire que la géographie expliquerait l'histoire et que le tableau permettrait de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la scène dont on a planté le décor. Ça ne veut pas dire que la France est prédéterminée, c'est tout, et Vidal le premier d'ailleurs, hein, tout le processus d'atlas historique le déconstruit, mais en même temps introduit, alors c'était particulièrement net dans le texte de Vidal qui vient d'être cité, et vous l'avez relevé, les termes d'équilibre, de transition, de moyenne, de compensation, hein, tous ces mots qui ont été écrits là dans la belle lettre, la belle langue de Vidal, ce sont des termes qui définissent idéologiquement une sorte de société territoriale française. Et ça, justement, il faut s'en garder. D'où le fait que se poser le rapport au milieu naturel, ce que beaucoup en dehors des géographes appelleraient la géographie, c'est quelque chose qui était important également de déblayer au départ. La deuxième chose, c'est justement parce que la France n'a pas de naissance à proprement parler. C'est pour ça que des atlas commencent en général au 10e ou 11e siècle, où des histoires de la France commencent au 11e XVIe siècle. Alors bien évidemment que les histoires de France commençaient avec les Gaulois traditionnellement. Donc en même temps, ne pas assumer les héritages, dont les Gaulois d'ailleurs, dont l'histoire de la France à partir du 12e, 15e siècle va véritablement coaguler, va construire quelque chose à partir d'un État qui va construire une société, construire une nation, il y a quelque chose qui nécessite de prendre en compte ces différents héritages. Donc ça permet de faire quelque chose qui est à la fois, qui tient compte de l'historiographie, de la perspective contemporaine, de la vision historique de la France, de notre société, et en même temps de tenir compte d'une vision peut-être plus traditionnelle, mais qu'on revisite par l'intermédiaire de ces héritages. Oui, regardez les évolutions, les héritages, et d'ailleurs, hein, dans cet atlas historique de la France, effectivement, il y a des changements d'échelle constants, et nous nous trouvons ici en Méditerranée, et parfois au niveau d'une seule ville. Cette réflexion a été aussi la vôtre, Claire Somaglino, hein, pour votre atlas de l'Égypte ancienne. Cette fois-ci, ce ne sont pas tellement des enjeux de mémoire qui sont en cause, mais plutôt des représentations qu'il faut déconstruire, ou alors, tout simplement, moi je l'ai vécu ainsi, une main tendue vers le lecteur pour une histoire qui peut être complexe. Oui, une histoire complexe, et, qui est celle de l'un des premiers États territoriaux au monde, avec aussi des problématiques historiques que l'on n'envisage pas toujours pour l'Égypte. Je crois qu'il y a une espèce de fausse idée de l'exceptionnalité égyptienne. Oui, cette civilisation est exceptionnelle à bien des aspects, mais elle n'est pas seulement ça. C'est tout aussi intéressant d'analyser l'agriculture égyptienne, sa politique étrangère. Et il y avait nécessité aussi, justement avec ces changements d'échelle, de montrer que la focale n'est pas juste sur la vallée égyptienne du Nil, mais que l'Égypte est en Afrique, certes à un carrefour, mais elle appartient pleinement à ce continent africain, qu'elle appartient aussi à un des premiers systèmes internationaux dans l'est de la Méditerranée, en Méditerranée orientale. Donc là, les changements de focale permettent aussi de montrer l'insertion de l'Égypte et de son histoire dans un espace plus vaste, dans une histoire aussi plus vaste. Ça, je pense que c'était absolument essentiel de montrer ces liens constants entre la vallée du Nil égyptienne et puis les cultures et les territoires qui l'entourent. Oui, parce que là, nous touchons effectivement à des questions un peu de polémique. Hein. Et depuis Cheikh Diop, ses réflexions sur la place de l'Égypte en Afrique, il y a sujet de polémique. Donc l'Atlas est aussi un élément de réponse pour une histoire de l'Afrique qui est ancienne, qui se construit. Et l'arrivée de Monsieur Fauvel, Xavier Fauvel, à la chaire du Collège de France pour une histoire de l'Afrique, nous montre pleinement que ces histoires mondiales doivent prendre en compte ces différentes mémoires, et c'est le cas notamment pour l'Égypte. Claire Somaglino. Oui, oui, je pense que c'est le cas, et je pense que les mouvements de ces dernières années, avec des publications de plus en plus nombreuses sur, sur, alors j'aime pas dire l'Afrique, mais bon, et très l'arrivée de Xavier Fauvel à la chaire du Collège de France, je pense, est une très bonne chose. Il y avait nécessité et bien de montrer cette histoire ancienne aussi du continent, qui était trop souvent ignorée, trop souvent d'ailleurs résumée à celle de l'Égypte, et une Égypte qui n'est pas toujours considérée consciemment comme appartenant au continent africain, alors qu'elle l'est. Elle est à un carrefour, c'est indéniable. Il y a tous les effets de carrefour qui coagulent en Égypte. Elle est au carrefour entre continent asiatique et continent africain, mais il faut absolument montrer qu'elle appartient aussi à ce continent. C'est assez visible, par exemple, aussi dans l'histoire ancienne de la vallée, hein, avant la néolithisation, avec des groupes humains qui sont peut-être moins le long du Nil, mais plus dans le Sahara, qui était beaucoup plus vert à cette époque-là. Oui, donc, allez-y, Claire. Oui, donc il y a des relations constantes, et puis les relations sont constantes aussi avec le sud, avec la Nubie, qui est au sud de la première cataracte, des échanges qui constamment ont eu lieu entre l'Égypte en position de carrefour et les espaces plus au sud. Eh bien, justement, cette importance de la localisation, il faut le rappeler, hein, vous évoquez les cataractes, c'est important de voir où elles sont pour comprendre les phénomènes, comprendre les échanges, comprendre les dynamiques, et puis passer de dire ce que l'on voit à comprendre ce que l'on voit. Nous écoutons Fernand Braudel. Je crois que le premier devoir, ou la première précaution, c'est mieux de dire la première précaution, c'est de dire exactement ce que l'on voit. Enfin, que l'observation soit aussi précise que possible. Tu as un paysage, tu montres le paysage, rouge ici, violet à côté, orangé à ses limites, avec tels arbres, avec telle forme de village, et puis à un moment donné, tu passes derrière le paysage pour expliquer. Enfin, tu crèves le décor. Enfin, si tu restes devant le décor, tu es un érudit, et si tu passes derrière, tu commences à faire de l'histoire. En somme, j'ai fait trois coupes à travers l'histoire de la Méditerranée du XVIe siècle. Trois coupes successives. D'abord, j'ai recherché une histoire de longue durée, une histoire qui se modifie à peine. On la retrouve au XVIIe siècle, comme on la trouve déjà au XIIIe, comme on la trouve au XVIIIe siècle, comme on la trouve parfois au XIXe et même au XXe siècle. Ça, c'est la première coupe. Et cette première coupe, je ne l'ai réussie que grâce au cadre géographique. Nous avons la possibilité, nous historiens, grâce à la géographie, de ralentir le cours de l'histoire. Et c'est pourquoi je n'ai atteint la longue durée, l'histoire répétitive, que par la géographie. C'est pourquoi la géographie commence l'histoire de la Méditerranée au XVIe siècle. Fernand Braudel au micro de Jean-Claude Bringuier, qui évoque en fait sa démarche pour arriver à écrire son livre, son œuvre sur la Méditerranée, le monde méditerranéen, à l'époque de Philippe II. Et dans cette démarche, nous entendons Fernand Braudel mettre en avant la géographie, ce système de couches, d'étapes qui lui permettent de comprendre des phénomènes. Ça doit vous faire plaisir, ça, Christian Grataloup. Oui, bien sûr. Si j'utilise le mot géohistoire, c'est bien sûr un hommage à Braudel. Les coupes, c'est vraiment l'élément essentiel pour voir des différences non seulement de rythme et de temporalité, la triple temporalité brodélienne, dit-on souvent, mais c'est aussi de voir des échelles différentes, spatialement et temporellement, simultanément. Ça, c'est l'élément essentiel d'un atlas historique, c'est à la fois du temps et de l'espace. Mais en même temps, ce que Braudel montre, c'est l'importance du cadrage. Et ça, c'est un élément très simple, très technique de la carte, hein. Quand on découpe quelque chose que l'on va montrer, on crée cette réalité. On pense que cette réalité existe et qu'il faut le bon cadrage, comme on aurait le bon cadrage pour une personne ou pour une photo d'identité. Si on coupait au milieu du front ou du nez, ça n'irait pas. Eh bien, si on coupait au milieu de la Méditerranée, on pense que ça n'irait pas, parce que là, on a un être social qui est non pas naturel, un être purement économique et social, qui est le monde méditerranéen. Mais le cadrage va jusqu'où? C'est une chose que Braudel s'est posée comme question, c'est-à-dire jusqu'où va-t-on vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest, exactement la même question que jusqu'où va-t-on chronologiquement. Et les deux, souvent, sont des questions qui s'articulent. Donc ça, c'est un travail passionnant de la cartographie historique, qui est de se demander, justement, quel découpage on fait, quel est le cadre du tableau que l'on va faire, et à partir de là, quelle réalité on va créer à l'intérieur de ce tableau. Et le fait, il suffit souvent de décaler un peu, hein, de prendre un cadre et de changer pour avoir une autre problématique historique. Et de pas le prendre comme un fait de nature, comme quelque chose qui existe, parce que là, on se fait avoir. En histoire, il y a un bel exemple, ce sont les siècles. Si on dit le 18e ou le 16e, on a l'impression que ça existe en tant que tel, on leur donne un contenu, une atmosphère, etc., parce qu'on est tellement habitué qu'on les naturalise. Ben, on fait la même chose avec tous les découpages historiques. Hein, par exemple, Claire Somaglino, tout à l'heure, vous avez dit Asie, hein, et Afrique en l'appliquant à l'Égypte ancienne. Je suis pas sûr que ces deux découpages soient tout à fait pertinents pour l'Égypte ancienne, même si, bien évidemment, l'Égypte se situe à l'articulation des sociétés qui, aujourd'hui, sont appelées asiatiques et de celles qui sont appelées africaines. Mais, vous voyez, ça amène à Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire à imaginer que l'histoire africaine nécessairement place l'Égypte, et comme l'Égypte est prestigieuse, ben on va irriguer l'histoire africaine par l'histoire égyptienne, comme a inventé Cheikh Anta Diop. Bon, j'ai été prof à l'université Cheikh Anta Diop, donc je lui rends aussi hommage, hein. Mais vous avez là quelque chose qui fait que le présent peut saisir le passé. Il faut rester libre dans nos cadrages temporels et spatiaux le plus possible, et être un atlas historique, c'est justement un exercice de liberté. Un exercice de liberté que vous avez réalisé, Claire Somaglino, pour cet atlas de l'Égypte ancienne, avec des difficultés également, ces difficultés de cadrage, ces difficultés de vocabulaire, c'est bien difficile, ces difficultés de représentation, ce sont nos représentations que nous appliquons avec le plus de justesse sur celles des anciens. Quelles ont été pour vous les plus grandes difficultés de cet atlas que vous avez réalisé avec Claire Levasseur? Alors, elles ont été multiples. Et puis, je pense que quand on commence à travailler sur l'Atlas, moi, j'ai commencé ce travail quand Anne Lacambre, mon éditrice à Autrement, me l'a proposé avec beaucoup d'enthousiasme, parce que je m'intéresse aussi beaucoup à la géographie. Et puis, quand, avec Claire Levasseur, il a fallu commencer réellement à faire les cartes, on se rend compte de la difficulté, justement, qu'évoquait Christian Grataloup, où mettre la focale, où placer le cadre, quel découpage historique, est-ce qu'on reste dans les découpages traditionnel où on en propose aussi d'autres. Le travail aussi avec la cartographe est essentiel, puisque Claire Levasseur m'a souvent proposé alors de mettre un dégradé de couleurs, des solutions graphiques aussi pour symboliser le temps long sur une carte, voilà, mettre des légendes avec des codes couleurs différents pour montrer le passage du temps. Donc il y avait tout un travail de dialogue pour essayer de montrer cette complexité aussi, et puis d'alterner entre un coup de projecteur sur un site, un moment donné, un événement, et puis au contraire le temps long représenté sur une même carte. Oui, parce c'était que toutes ces difficultés-là. La carte est tromperie par définition, ne serait-ce que par la manière de projeter sur un papier plat quelque chose qui n'est pas plat. Mais dans cette tromperie, Christian Grataloup, géohistorien, il y a toutes les précautions qui sont prises, mais malgré tout, nous entendons parler de dégradés, de mouvements, de flèches. Dès lors, le plus petit choix ou la plus petite erreur peut être sujet à manipulation. Le danger de surinterpréter des phénomènes nécessite beaucoup, beaucoup de prudence au moment de réaliser la carte. Je suis pas sûr que l'écriture cartographique soit plus trompeuse ou moins trompeuse, elle l'est différemment, c'est sûr, de l'écriture textuelle. Mais étant donné qu'il y a cet effet d'évidence de type qu'on aurait avec la photo, d'ailleurs, qui peut être aussi très trompeuse, que j'évoquais tout à l'heure, fait que effectivement, on a une responsabilité encore plus grande. On sait très bien que le texte, il est comme on écrit, tout le monde écrit, et on se dit, bah oui, peut-être que j'aurais pu mettre un autre mot. Tandis que pour la carte, on se rend pas compte qu'en jouant sur les couleurs, sur les discrétisations, comme on dit techniquement aussi, c'est-à-dire où on coupe entre deux couleurs, on peut totalement manipuler la lecture et le message que l'on veut donner. Et il y a aussi une chose dont on se garde moins, et y compris d'ailleurs les cartographes eux-mêmes, c'est qu'il y a une histoire de la cartographie, et de ce fait une histoire de sa lecture, qu'on en est qu'il faut en prendre en compte, et que cette histoire de la cartographie est située dans l'histoire européenne, enfin occidentale en général, mais plus précisément européenne. Il y a des traditions des histoires cartographiques extrêmement multiples avant le XVIe siècle partout dans le monde, qui sont progressivement unifiées par une construction cartographique, une écriture cartographique européenne. Et entre autres, elle est marquée par le fait que nous avons le primat des figures qui sont délimitées. C'est-à-dire qu'on a tendance à tracer un trait et à colorier à l'intérieur. Ce qui correspond très très bien à ce qui se fait dans un monde que les politologues appelleraient westphalien, c'est-à-dire un monde d'États avec des frontières qui deviennent linéaires à partir d'en Europe, à partir du XVIIe siècle. La cartographie se construit ainsi. C'est d'ailleurs seulement à ce moment-là que l'on va tracer des limites au continent, par exemple, au XVIIIe siècle, et tracer entre autres la limite entre l'Europe et l'Asie. Mais vous avez là quelque chose qui est une pratique dont on a du mal à se sortir actuellement, alors que, et Claire Levasseur devait avoir tout à fait raison, les transitions, les gammes de passage que aujourd'hui techniquement on peut beaucoup facilement faire, alors qu'avant à la main c'était complexe et c'était long, eh bien c'est quelque chose qui permet de repenser non seulement l'espace, mais aussi sa temporalité différemment. Et de ce point de vue-là, nous avons beaucoup de chance aujourd'hui par rapport à l'époque de Georges Duby, c'est-à-dire à l'époque où on faisait les cartes essentiellement à la main, ce qui avait ses vertus, mais ce qui avait évidemment ses limites, c'est que techniquement, ça demandait on pouvait pas expérimenter constamment. Tandis qu'aujourd'hui, je pouvais dialoguer avec l'équipe de les gens de cartographie, l'équipe de la coopérative cartographique avec laquelle on a fait les atlas, on pouvait dialoguer en disant bah, tiens, si on mettait ça, si on changeait un peu, si on faisait une transition, et là, la carte change à l'écran. Et tout change. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, nous permet de faire des atlas historiques différents. Oui, parce que l'atlas contient des cartes, et toutes ces cartes sont magiques, comme nous l'explique Julien Crac. La carte est un objet vraiment magique. Enfin, j'ai encore le sentiment de ça. Même en quelques décimètres carrés, on a tout un pays, pratiquement sous la main, comme ça, et sous les yeux, et... C'est vraiment, j'ai un sentiment un peu de possession du terrain ou d'une région par la carte. Ça me fascine beaucoup, mais pas toutes également d'ailleurs. J'ai des préférences pour certaines cartes. Je veux dire, chaque année, je m'en vais comme ça, sur la route pour une dizaine de jours, enfin, me promener dans une région déterminée, mais un peu au hasard des routes. Et il m'arrive en déjeunant comme ça, je regarde la carte routière pendant tout le déjeuner. Je trouve ça inépuisable, ça, les raccourcis, les possibilités, dans tous les sens de joindre. C'est absolument passionnant pour moi. Et cette carte routière, qui n'est pas une grande valeur géographique, c'est une grande source de jouissance pour moi. Puis alors, il y a deux cartes qui m'ont évidemment, comme ça, c'est particulièrement proche. Je reviens, c'est la carte d'état-major au 80e, et puis la carte géologique, qui est à la fois une sorte de talisman, comme ça, et puis qui a une beauté très particulière, je trouve. J'ai quelquefois pensé à tapisser une pièce avec des cartes géologiques au 80e. Je suis sûr que ce serait splendide, ça présente des difficultés particulières, mais je trouve ça un objet extrêmement décoratif. Oui. L'écrivain Julien Crac dans La Nouvelle Fabrique de l'Histoire sur France Culture en 2006 qui évoque sa jouissance déjà devant les cartes routières. Alors là, l'orgasme aurait été absolu devant vos atlas, l'atlas historique de la France et puis l'atlas de l'Égypte ancienne ou même l'atlas historique mondial. Il y a quelque chose de magique dans les cartes. Claire Somaglino, est-ce qu'au moment de réaliser ces cartes avec Claire Levasseur, vous avez compris certains phénomènes qui étaient difficiles à exprimer, à expliciter? Est-ce que la réalisation même de cet atlas vous a aidé dans votre travail de recherche? Oui, je pense, parce que cela oblige à clarifier certains phénomènes que l'on pense maîtriser globalement. Ceci dit, on ne peut pas tout maîtriser de l'histoire d'une civilisation, mais cela oblige à un effort de synthèse, de clarification, à se poser des questions, et puis tout simplement aussi à reconnaître ses limites, parce que parfois on ne sait pas où placer un trait, on ne sait pas où est un toponyme, un nom de lieu mentionné par un texte, on ne sait pas par où est passée une expédition militaire. Et donc cela permet de faire un point sur les connaissances à un moment donné, et ça c'est tout à fait utile toujours. Et puis ça permet au lecteur d'avoir une approche des données quantitatives de manière extrêmement accessible. Christian Grataloup, il y a aussi cela qui est extrêmement puissant avec les cartes, c'est que nous comprenons sur le territoire ce que nous pourrions avoir sous forme de tableau. Et cette mise en carte des données les rend particulièrement accessibles et lisibles. Oui, quand on aborde une époque où on a des moyens de quantifier à partir du XVIIIe siècle, on peut effectivement avoir toute une cartographie qui est quantitative. Des tableaux, c'est aride, ça nécessite d'être spécialiste pour les lire, on a du mal à localiser les lieux qui sont des lignes ou des colonnes du tableau. Inversement, évidemment, une carte donne immédiatement les choses à voir et propose même des possibilités d'explication puisqu'elle rapproche ou éloigne des types d'éléments qui seraient au contraire lointains ou proches sur le tableau statistique. Oui, bien sûr, ça, la carte, comme le graphique, d'ailleurs, et la carte et le graphique, c'est-à-dire deux formes visuelles d'écriture, sont des choses qui sont des rapports mixtes. Hein. On peut situer des graphiques sur une carte, on peut faire des cartes qui sont très largement des graphiques. On a constamment ces types de possibilités à partir d'une base statistique. Ce qui fait que quelque chose qui apparaît comme particulièrement désenchanté, qui serait une approche strictement quantitative, ben, on réenchante avec la carte pour atteindre le rêve que Julien Gracq évoquait tout à l'heure, hein, c'est cette possibilité d'imagination que l'on a sur la carte et la carte géologique qui est pourtant quelque chose de très savant, à base statistique et de généralisation à partir de points. Élément de discussion qu'on n'a pas abordé, hein, une carte généralise à partir de points. C'est quelque chose qui est un objet qui est très beau et qui de ce fait va à un autre message que celui de sa stricte information. Oui, ça va au-delà de la stricte information et l'information elle-même peut être diverse. C'est-à-dire que nous pouvons avoir les grands classiques, hein, les régions viticoles, les crus de Bourgogne, du Bordelais, etc. dans l'Atlas historique de la France. C'est ce que nous attendons avec une lecture particulière, mais il peut y avoir aussi, et ça c'est très intéressant, tout ce qui est la cartographie des usages du passé, de cette mémoire, les lieux mythiques du cyclisme. Il y a notamment la montée au mur des Fédérés, au Père-Lachaise. Christian Grataloup, par la carte, il y a aussi un jeu, quelque chose d'extrêmement ludique. Essayons de mettre en carte tel usage du passé. Parfois ça marche, parfois ça ne doit pas marcher. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi on a choisi les cartes de ce qui est l'essentiel de l'Atlas, qui est la deuxième partie, qui est un récit historique en carte de la France. Comment les Français aujourd'hui s'y articulent, qu'est-ce qu'ils en saisissent? Et ça constitue des pratiques, et c'est ces pratiques que l'on a cartographiées, qui est visiter des monuments historiques, qui est de patrimonialiser un certain nombre de lieux, qui est avoir des pratiques commémoratives. Vous avez cité celle de la montée au mur des Fédérés. Hein. On a évidemment un certain nombre d'événements historiques qui sont célébrés, c'est de voir quels usages les politiques font, comment on nomme les rues, etc. Donc tous ces éléments-là ne posent pas d'énormes problèmes à les cartographier, mais nous donnent à voir comment on inscrit dans notre géographie, notre passé, ou plutôt ce que l'on retient de notre passé pour construire notre identité actuelle. Et puis pour comprendre l'histoire et comprendre avec plaisir, raconter l'histoire d'une autre manière, nous pourrions parler des heures de ces atlas historiques, atlas historique de la France, atlas historique mondial ou encore l'invention des continents et des océans. Ça sont vos ouvrages, Christian Grataloup. Mais il y a cet atlas de l'Égypte ancienne qui est magnifique pour des périodes parfois complexes et là qui deviennent parfaitement lisibles. Il faut rappeler ce plaisir de l'Atlas de pouvoir le prendre, l'ouvrir, regarder une carte, reposer, comprendre juste un phénomène et ça c'est un régal. Merci beaucoup vivement à vous deux de nous avoir présenté toutes ces cartes et tous ces atlas. Merci beaucoup. Merci d'avoir venu. Merci. Et puis il est temps maintenant dans le cours de l'histoire de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors ce matin, dans le journal de l'histoire, le sucre, ce poison réjouissant. Les fêtes de fin d'année sont là, cette période où même les guirlandes finissent par avoir l'air sucrées, avec cette avalanche de chocolat, de marrons glacés et de vin moelleux, sans parler des inévitables bûches et des glaces bien sûr parce que c'est plus léger. Si ces agapes s'annoncent différentes, l'overdose de sucre devrait fidèlement répondre au rendez-vous. Et même s'il ne protège pas vraiment des virus qui errent dans les parages, on en aura d'autant plus besoin. Dans un élan hautement régressif et compensatoire, à défaut d'avoir une vie sociale en dehors du cercle familial. Cette overdose de sucre a une histoire tout autre que celle qui s'inscrit dans votre pharmacie sous la forme d'un stock résolu de citrate de bétaïne. À tous ceux qui fêtent Noël ou pas, mais qui ont forcément d'autres occasions de frôler le coma hyperglycémique, Kippour et les nuits du Ramadan en tête de liste, James Welvin a retracé l'histoire du sucre de l'Antiquité à l'obésité. Cette année, j'avais envie de faire un truc un peu design, une bûche assortie au décor. L'histoire du sucre, c'est l'histoire d'une arme de destruction massive des dents prolétaires du Manchester d'après-guerre aux plantations esclavagistes. James Welvin veut répondre à la question « Comment le monde a-t-il pu se laisser empoisonner par cette marchandise hors du commun ?» Sa trajectoire est longue, élaborée en Asie, le sucre de canne se propage en un millénaire à travers la Méditerranée et l'Afrique pour rebondir vers l'Europe qui la découvre au Moyen-Orient à l'occasion d'une croisade au XIe siècle. C'est un produit rare et les profits sont prometteurs. Les cours européennes en raffolent bientôt de cette douceur que l'on apprend à introduire un peu partout. Une addiction nourrie par le commerce organisé d'une canne à sucre produite par le travail forcé, dont les structures sont développées au Brésil avec succès. Pour fournir ses adeptes aux dents rapidement défaillantes, le sucre est cultivé sur des plantations aux dimensions en expansion. Si le sucre fait son invasion en Europe, dans l'autre sens, ce sont des millions d'esclaves qui sont débarqués dans les Caraïbes et sur les côtes américaines pour le produire. Le sucre, c'est l'histoire de l'apparition d'un goût nouveau et de la violence qu'il induit pour le contenter sur les corps et les paysages. Le sucre devient un bien essentiel dont on ne peut se passer même en temps de guerre avec ses substances d'accompagnement, le thé, le café et l'alcool qu'il permet de distiller, sans oublier la confiture qui assure sa diffusion au sein des populations les plus modestes. Le sucre est partout, la dépendance du monde est assurée pour longtemps. Car cette histoire du sucre a de beaux jours devant elle, tant elle dit les ravages envisageables pour le contentement de notre quête de plaisir. Oui, et puis les ravages aussi pour nos dents. Attention aux caries, Dame Ned. On retrouve le journal de l'histoire sur l'application Radio France et sur notre site franceculture.fr. Toute la semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, raconter l'histoire autrement. Alors, oui, bien sûr, les historiens, les historiennes n'ont pas attendu les outils numériques pour tenter de raconter l'histoire d'une autre manière. L'histoire dessinée, histoire de bullet. Oui, comment raconter l'histoire dans des cases? Ou encore l'historien à la manette quand le jeu vidéo raconte l'histoire. Et puis, un focus sur Mussolini. Mussolini peut-il être un personnage de roman? Pour le très bel ouvrage de Scurati, ça, c'est les sujet de la semaine dans le cours de l'histoire des émissions que vous pouvez écouter, podcaster en ligne sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr et sur l'application Radio France. Le cours de l'histoire, une émission réalisée par Émilie Valla avec aujourd'hui à la technique Adèle Caglar. Une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Toscane Viudès, Odile Jouesset, Valentine Lovrins, Nicolas Berling et Maïwenn Guizhou. Demain, nous nous intéressons à la bande dessinée. Oui, raconter l'histoire dans des cases.